Chapitre 7e. Monsieur de Treuil demanda « Vous ne savez pas pourquoi madame a été obligée de sortir ?»« Non, monsieur le baron, mais ordinairement, quand madame sort comme ça, c'est pour aller à l'opéra. Elle a dit de prévenir monsieur le baron qu'elle serait rentrée à 2h30 au plus tard. » Et la femme de chambre, après avoir posé sur la table le Gaulois, sortit d'un pas discret, en regardant le baron d'un œil respectueusement narquois. Il s'assit, très agacé. Tout changement dans ses habitudes le bouleversait à l'égal d'un malheur. Chaque jour, il venait après son déjeuner fumer un cigare chez la danseuse, et quand par hasard elle avait une répétition, elle l'avertissait. Au bout d'un instant, il se leva pour prendre le Gaulois. À côté du journal était posé un petit paquet, et dessus, de l'écriture contournée et maladroite de Lacombe, cette adresse qu'il fit loucher. Marquis de Morières, avenue Montaigne. Inquiet, il se demanda qu'est-ce qu'elle peut bien envoyer à Morières? Et comment sait-elle qu'il est revenu? Puis il pensa qu'elle l'avait vu aux courses. Il roulait dans sa main le paquet, tout petit et assez lourd, qui devait renfermer un objet mince et dur, quelque chose comme un très petit canif. Ou des ciseaux? Ou une clé? Oui, ça devait être une clé. Pourquoi Blanche envoyait-elle une clé à Morières? Quelle clé? Il regarda la pendule. Madame sera là à 2h, avait dit la femme de chambre. Et il pouvait défaire et refaire le petit paquet soigneusement ficelé. Monsieur de Treuil, adroit comme une femme et minutieux comme un pharmacien, eut vite dénoué la mince ficelle rose. Roulé dans beaucoup de papier de soie, il trouva une clé qu'il reconnut à l'instant. C'était lui qui l'avait fait faire un an plus tôt. Très maniaque, très amateur de nouveautés, il avait admiré des serrures anglaises toutes petites, solides et compliquées, que monsieur de Bouillon faisait venir de Londres. Et il en avait fait poser de pareil dans son hôtel du parc Monceau et avenue Hoche chez Blanche Lacombe. Il tournait et retournait la mignonne clé de nickel qu'il connaissait bien. Elle ouvrait la porte d'entrée de l'avenue Hoche. Il avait la même, oubliée dans une coupe sur sa cheminée depuis 3 mois qu'elle ne servait plus. Ce matin encore, il l'avait revue en cherchant des boutons de manchette. Et quand il fut bien convaincu que la danseuse envoyait à Morières la clé de son ancien appartement, il fut bien convaincu aussi qu'elle le trompait avec Morières, et que c'était avenue Hoche qu'elle le voyait, ou plutôt qu'elle le verrait, puisque la clé était là encore. Très soigneusement, avec une adresse infinie, il refit le petit paquet, le remit à sa place et attendit, rongeant son frein, le retour de Blanche. Comment allait-il lui faire avouer la vérité? La vérité, c'est que le matin, le concierge de l'avenue Hoche était venu demander, de la part du monsieur qui avait loué, la seconde clé de la porte d'entrée que madame devait avoir conservée. Ce monsieur voulait les deux clés. Il en avait besoin pour 3 heures. La danseuse était au bois quand le concierge vint. En rentrant, elle avait emballé la clé qu'on réclamait, et comme elle demeurait rue Pocador, et que son ancien appartement était dans une des maisons qui font le coin de l'avenue Hoche et du faubourg Saint-Honoré, elle avait trouvé plus simple d'envoyer la clé chez Morières, à 2 pas de chez elle. En sortant, très pressée, elle avait oublié de la faire porter. Le baron n'attendit pas longtemps. À 1h30, Lacombe rentra, anéantie, disait-elle, d'un essayage qui n'en finissait pas. Elle avait été obligée d'aller passer chez Montaut la robe Louis XIV, dans laquelle M. Machard allait commencer aujourd'hui son portrait. « Aujourd'hui ?» demanda Treuil, soupçonneux. « Je croyais que c'était demain qu'on le commençait, ce portrait. »« Mais non, c'est aujourd'hui, voyons. Rappelle-toi donc, jeudi. C'est aujourd'hui, jeudi. » « Hein ?» fit le baron. « Je croyais que c'était aujourd'hui mercredi. » Tout à coup, elle aperçut le petit paquet oublié sur la table. Elle poussa un cri et se précipitant sur la sonnette. « Ah, mon Dieu, j'ai oublié de... » Elle s'arrêta, rougissant un peu, ennuyée de penser que le baron avait peut-être vu le paquet et qu'il allait demander des explications. Elle eût été navrée d'avouer qu'elle avait enfin sous-loué. Elle tenait à ne pas perdre les 5 000 francs du loyer. Avec les 12 000 de Morières, ça faisait 17 000. Total, 12 000 de bénéfices nets. À l'instant où elle préparait une réponse quelconque, M. de Treuil demanda, d'un air indifférent, « Qu'est-ce que tu envoies, Morières ?»« Moi, » répondit-elle, gênée, prenant des temps un peu plus longs qu'il n'eût fallu. « Moi, oh, ce n'est rien, c'est une chose qu'il voulait voir, c'est... » Il répéta, battant le parquet du pied, déjà nerveux, « Qu'est-ce que c'est ? » Elle réfléchit qu'il valait mieux ne pas mentir, afin que si l'idée venait par hasard au baron d'ouvrir le paquet, il vit qu'elle était un petit agneau d'innocence, et cherchant seulement un motif pour expliquer l'envoi, elle répondit « Une clé ». Il demanda, surpris de tant de franchise et jouant la surprise, « Une clé, quelle clé ?» Blanche Lacombe pensa que cette fois, elle ne pouvait pas lui dire la vérité sans qu'il soupçonnât la location. Elle dit « Une clé d'ici, n'importe laquelle, parce qu'il veut voir comment sont nos clés pour faire poser chez lui des serrures comme les nôtres. » Et s'adressant à la femme de chambre qui entrait, « Faites tout de suite porter ce petit paquet chez monsieur le marquis de Morières, avenue Montaigne. » Elle était heureuse de voir disparaître le paquet. Elle craignait que le baron ne l'ouvrît. Il avait une terrible mémoire, et il eut certainement reconnu la clé de l'avenue Hoche. Celle du petit hôtel de la rue Bocador était, comme celle du parc Monceau, un peu plus grosse. Monsieur de Treuil se promenait dans le salon, nerveux, persuadé qu'il était trompé, trop craintif pour oser le dire avant d'avoir une certitude. À la fin, il s'arrêta. « Où donc avez-vous vu Morières ?»« À Auteuil, dimanche. »« Vous ne l'avez vu que là ?» Elle répondit avec assurance. « Je ne l'ai vu que là. Où l'aurais-je vu ?»« Je n'en sais rien, je vous le demande. » Comme elle ne disait rien, il reprit. « Et il vous a demandé d'avoir la clé, comme ça, à propos de rien ?» « Non, certainement, pas à propos de rien. Nous avons parlé des choses qu'on met dans la poche. Alors, Chani, il était là, Chani, a dit que j'avais un système de clés très chic. » Rétrospectivement inquiet, il demanda. « Et comment, Chani, le savait-il ? » « Ah zut, vous commencez à me raser, vous savez. Avec ça que vous ne l'avez pas corné aux oreilles de tout le monde, votre invention de serrure anglaise. Pendant 6 mois, vous n'avez parlé que de ça. Ça a été une de vos plus belles scies. » Puis changeant de voix tout à coup. Il paraît que ma toilette a eu un succès énorme dimanche. On vient de me dire chez Monteau qu'on en avait reçu beaucoup de compliments. Et de celle de votre femme aussi. Oh, ne parlons pas de ma femme, je vous en prie. Il était au fond parfaitement égal que la danseuse parlât ou ne parlât pas de madame de Treuil, mais il ne trouvait pas de bon ton de la laisser faire. D'ailleurs, il éprouvait le besoin de grogner sur un sujet quelconque. Il avait de Blanche Lacombe une effroyable peur et parfois il la heurtait pour des riens. Elle se retourna, très rouge. « Alors je n'ai plus le droit de prononcer le nom de votre femme. Ah non, elle est bien bonne celle-là. Laissez-moi rire. » Elle se leva. « Vous savez, je ne voudrais pas vous mettre à la porte, mais j'ai rendez-vous à 2h30 chez M. Machard et il faut que je m'en aille. » « Vous ne vous habillez pas ?»« Non, je m'habille chez lui. On vient d'y porter une robe. » « Vous avez votre voiture ?» « Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il me faut, je vous remercie. » Elle s'irritait peu à peu, il demanda, redevenu très doux, « Est-ce que... il n'était pas convenu que j'irais vous voir poser ?»« Pas aujourd'hui, aujourd'hui c'est impossible, il va chercher la pause, il ne faut pas le gêner. Pour aujourd'hui, vous pouvez bien nous ficher la paix, je pense. » Elle allait et venait, pressée de le voir partir, il dit encore, « Vous êtes Mossad ?» Elle lui répondit brutalement, « Chacun son tour. » Quand Treuil fut dans l'avenue Montaigne, il s'arrêta, se demandant où il pourrait bien aller. D'ordinaire, il restait chez la danseuse jusqu'à 3 heures, et ce changement le désorientait totalement. Dans sa vie, toute de routine, le moindre incident prenait les proportions d'un événement grave. Et puis, il était moralement sûr d'être trompé. Depuis quelque temps, Blanche se montrait, aux instants d'abandon, devenue de plus en plus rare, d'une déconcertante veulerie. Elle lui rappelait positivement Agar, et tout de même, il tenait à elle. Il s'y était accoutumé. Il en avait un besoin réel qui l'inquiétait. Maintenant, l'idée que Morières la trouvait de son goût la lui faisait paraître plus désirable encore. Il était difficile, Morières. Pour être remarqué par lui, il fallait qu'une femme fût très chic, et si, dès son retour, il avait jeté son dévolu sur Blanche, c'est que Blanche lui paraissait chic entre toutes. C'était flatteur, mais embêtant aussi, car si André mettait la danseuse en demeure de choisir entre l'autre et lui, elle choisirait certainement lui. Si vaniteux qu'il fût, il savait très bien que partout et toujours il serait éclipsé par le marquis. Le plus sage était peut-être de fermer les yeux et de laisser aller les choses. Il suivait l'avenue, allant vers les Champs-Élysées, lorsqu'il aperçut Morières qui sortait de chez lui. Le marquis habitait une des grandes maisons bâties sur l'emplacement de Mabie. Il tourna vers les Champs-Élysées, et se mit à marcher à 20 mètres devant M. de Treuil. Arrivé au rond-point, il prit à gauche et remonta vers l'Arc de Triomphe. le baron pensa s'il allait avenue Hoche, et il le suivit, décidé à connaître son sort quel qu'il fût. En arrivant à la station de voiture qui est au haut des Champs-Élysées, il vit l'heure à l'horloge et pressa le pas. Mais au lieu de tourner dans l'avenue Hoche comme Treuil s'y attendait, il traversa la place de l'Étoile et prit l'avenue Victor Hugo. Là, il entra chez Gaget. Le baron passa devant le magasin et vit Morière occupé à désigner différentes choses aux demoiselles et aux garçons très empressés autour de lui. Puis, allant se poster assez loin, il attendit. André sortit au bout de quelques instants. De son pas élastique et long, il marcha, en se hâtant cette fois, vers l'avenue Hoche qu'il descendit rapidement en regardant plusieurs fois sa montre. Arrivé à la maison d'angle, il tourna sous la voûte. Le baron, jusqu'au dernier moment, avait espéré qu'il passerait sans entrer. Il s'arrêta court, vexé, en proie à une colère rageuse, se demandant s'il n'allait pas courir après Morière et le gifler, là, tout de suite. Mais il pensa que les concierges le connaissaient et que cela ferait un potin ridicule. Il eut aussi l'idée de guetter l'arrivée de Blanche et d'avoir avec elle une explication. Elle ne devait pas être là encore. Elle était lente à s'attifer et n'avait pu venir si vite. Mais il craignit d'être vu. Alors, lui vint une idée qu'il jugea lumineuse. Il se dit « Je vais chercher la clé et je les pincerai paisiblement, sans faire de bruit. Ça sera très chic. » Il appela un fiacre et fila au parc Monceau. Comme il montait l'escalier, tête baissée, enjambant quatre marches à la fois, il faillit renverser sa femme qui descendait, répandant autour d'elle un parfum violent. Il ne la reconnut pas au premier moment dans sa petite toilette noire toute simple, accoutumé qu'il était à la voir toujours miroitante et empanachée. Elle le regarda de ses larges yeux, écarquillée avec une affectation d'étonnement. « Grand Dieu, que vous êtes rouge, et comme vous courez, on dirait que vous poursuivez un voleur. » Il semblait qu'elle connût sa mésaventure. Il murmura avec embarras. « Moi, non, je rentrais, je... Et vous, vous sortez ? Je n'ai pas vu la voiture en bas. » Elle répondit. « Je vais marcher un peu dans le parc, ou dans les avenues. Le docteur m'a dit que ça me ferait passer mes maux de tête. » Il demanda, très surpris. « Vous avez des maux de tête ?» Elle haussa les épaules et descendit sans plus lui parler. Arrivé chez lui, le baron prit la petite clé de nickel et, s'asseyant dans un grand fauteuil, se mit à réfléchir plus qu'il n'avait réfléchi dans toute sa vie. Il s'agissait ici de ne pas gaffer. Morière était, il ne se faisait aucune illusion là-dessus, une personnalité beaucoup plus sympathique que lui dans le monde. Il avait une situation d'élégance plus indiscutée. Il était, plus que lui, une notoriété. Il fallait ne pas mettre contre lui ceux qui seraient certainement pour le marquis si l'histoire s'ébruitait. Il y avait là une nuance très délicate à saisir. Puis, dans la jalousie qui en cet instant le poignait, il pensait surtout à conserver pour lui la danseuse, à s'arranger de telle sorte que son aventure avec Morière fût sans lendemain. Au moment de partir, il se rassit. Il craignait de rencontrer sa femme qui se promenait, redoutant de lui voir surprendre les petites misères de sa vie galante. Il trouvait que, tout à l'heure, elle l'avait interrogé ironiquement sur la cause de son agitation, et il voulait lui laisser largement le temps de s'éloigner. Enfin, il se décida à partir, après avoir regardé dans le parc et dans l'avenue s'il n'apercevait pas la grande silhouette d'Agar. Ne voyant rien, il se mit à marcher très vite. Le cœur lui battait fort quand il tira de sa poche la petite clé. En route, une peur lui était venue qu'il n'eût remis, une fois entré, la clé dans la serrure. Mais elle n'y était pas et la sienne entra facilement. Avant de la tourner, il se demanda encore si ce qu'il allait faire était adroit. Si tout ne valait pas mieux, en somme, qu'une certitude qui, de toute façon, troublerait absolument sa vie paisible. Mais l'idée de ce qui se passait derrière cette porte le bouleversait. Ce qu'il voulait, avant tout, c'était empêcher qu'il ne se passât quelque chose. Il hésita un instant, puis brusquement il entra. D'abord, il fut surpris par l'obscurité de l'antichambre. Ses yeux, habitués à la lumière éclatante de l'avenue Blanche de Soleil, ne distinguèrent absolument rien. Comme il connaissait l'appartement, il poussa à tâtons une porte et s'avança dans le salon. Par les persiennes entr'ouvertes, de longs rayons dansaient qui l'aveuglèrent encore, puis, peu à peu, sa vue s'habitua à l'obscurité. À droite, la porte de la chambre de Blanche était ouverte. Il marcha de ce côté, glissant sans bruit sur le tapis. Une canne, posée en travers sur le bras d'un fauteuil qu'il accrocha, tomba avec le bruit de clochettes fêlées. Aussitôt, dans le cadre de la porte, Morière parut. En reconnaissant M. de Treuil, Il s'élança en laissant retomber la portière, tandis qu'une femme, poussant un cri horriblement perçant, apparaissait un instant derrière lui dans un envolement de soie rouge et de dentelle. Ils restèrent en face l'un de l'autre sans parler. À la fin, ce fut Morière qui dit, d'un ton à la fois cassant et courtois, « Puis-je vous demander, mon cher Treuil, ce que vous venez faire chez moi ?» Il était pâle et sa voix s'enrouait, mais il souriait, l'air narquois. Le baron, lui, se sentait grotesque. Il n'avait pas vu tout à l'heure le visage de Blanche. Il n'avait aperçu que sa longue taille un peu trop droite et ses bas noirs sortant d'un jupon de satin capucine, une couleur qu'elle affectionnait, mais il devinait bien que là, derrière cette porte, elle aussi se moquait de lui. Il répondit péniblement, hachant ses mots, « C'est à moi de vous demander avec qui vous y êtes. » Morière répliqua nettement, « Je ne vous répondrai pas que j'y suis avec ma maîtresse, ce serait inexact. La femme qui est là est encore, je vous le jure, digne de tous les respects. » Monsieur de Treuil ricana, « De tous les respects est jolie. » « C'est vrai. Et je vous répète, mon cher Treuil, que vous faites, aveuglé par je ne sais quel soupçon, une démarche déplacée, que vous regretterez sûrement. » Le baron, qui se trouvait ridicule, commençait à rager violemment. Sans répondre, il voulut passer. Morière ne bougea pas, mais il se plaqua un peu plus encore contre la porte en disant « C'est fou, mon cher, ce que vous faites là. Vous entrez chez moi par surprise, sans aucun droit, sans aucun motif, oui, sans aucun motif. Je ne sais pas ce que vous voulez. » Et il pensait « Est-il bête de faire cette histoire? Il est encore plus bête que je ne croyais. » Exaspéré, le baron balbutia « Je veux voir la personne qui est là. » Morière haussa les épaules. « Vous voulez voir une personne qui est chez moi? En vérité, vous divaguez. Quand on vient faire une descente d'un goût aussi douteux, on amène le commissaire de police. C'est malpropre, mais au moins c'est régulier. » Treuil cria. « Et parbleu, si je l'avais pu !» Malheureusement, la police ne protège pas les amours des imbéciles de ma sorte et des drôlesses de cette espèce. Et comme Morière, stupéfait et rassuré, s'apprêtait à répondre, il hurla. « Je veux parler à mademoiselle Lacombe, entendez-vous ? Je ne veux que ça, et je m'en irai après. Je m'expliquerai avec vous plus tard. » Morière ne broncha pas. Son visage resta impassible et il reprit avec le même calme, réel cette fois. « Je vous répète encore, mon cher Treuil, que mademoiselle Lacombe n'est pas ici. Je lui ai sous-loué hier cet appartement, c'est vrai. Mais ce n'était pas pour l'y recevoir. Je vous en donne ma parole d'honneur. » Treuil s'entêta. « Allons donc, je l'ai bien reconnu là, tout à l'heure. » « Ça, par exemple, c'est fort !» fit Morière en riant, puis voyant que le baron ne s'en irait pas. « Écoutez, mademoiselle Lacombe doit être en ce moment posée chez Machard. Comment savez-vous ça ? Ce matin, j'ai fait demander chez elle la seconde clé de l'appartement. J'ignorais qu'il y en eut une troisième, et sa femme de chambre a raconté au concierge qu'elle rentrerait certainement de bonne heure parce qu'à 3 heures, elle devait aller poser chez monsieur Machard et qu'elle reviendrait s'habiller avant. » Tandis qu'il parlait, Treuil se disait, perplexe. Ça a l'air vrai, pourtant, tout ça. Le marquis reprit. Voulez-vous aller chez Machard, voir si Lacombe y est ? Pour que pendant ce temps-là, vous la fassiez filer ? Voulez-vous que je vous accompagne ? C'est ça, pour qu'elle file toute seule. Voulez-vous envoyer quelqu'un et rester attendre ici ? Oui, dit Treuil, ébranlé. Ça, je veux bien. Morière sonna, et le baron, après avoir écrit sur une de ses cartes, « Puis-je venir vous admirer un instant ? Je serai bien sage. » Recommanda au concierge de se dépêcher et de remettre la carte en main propre à mademoiselle Lacombe qui posait chez monsieur Machard. Puis, s'asseyant en face de Morière qui pensait au nez que devait faire la baronne enfermée, il attendit, silencieux. Une demi-heure après, le concierge rapportait la réponse de la danseuse. Elle avait écrit sur un chiffon de papier « Je vous ai dit non, c'est non. Pas aujourd'hui, vous feriez tout rater. » L'écriture égratignée indiquait qu'elle était en colère. Monsieur de Treuil, assez sot, demanda « Vous avez vu, mademoiselle Lacombe ? Comment était-elle habillée ?» Le concierge répondit en tortillant sa casquette. « Avec une robe comme les portraits des reines au Louvre. Et elle avait l'air pas content qu'on la dérange. Oh, mais non !»« Mon cher Morière, » dit le baron, « je suis consterné de ma ridicule sortie. Pardonnez-moi, c'est que je suis jaloux. Horriblement jaloux. Je viens de m'en apercevoir. » Vous ne connaissez pas ça, vous, la jalousie ? Pas encore, fit Morière en souriant, et il ajouta, en regardant furtivement la porte derrière laquelle il se figurait hagard, morfondu dans son jupon rouge. Et je ne crois pas l'être encore cette fois-ci. Elle lui avait semblé, au début du rendez-vous, si singulièrement troublée, un peu lyrique pour son goût. Il n'était pas venu avec l'intention de roucouler haut, pas du tout, et il s'était efforcé de le lui faire comprendre d'une façon qui avait changé la phraseuse en pensionnaire craintive, prenant des airs effarouchés qui l'agaçaient. Au moment où le baron sortait, s'excusant une dernière fois, Morière demanda gaiement « Ah, dites donc, laissez-moi la troisième clé, voulez-vous » Et le poussant dehors, après lui avoir pris sa clé, il referma soigneusement la porte, s'assura que tout était tranquille et revint sans enthousiasme retrouver Agar, qui se jeta dans ses bras, en lui disant avec de grands gestes tragiques « Tu ne te battras pas, je ne veux pas que tu te battes pour moi. » Il lui affirma qu'il n'en était pas question. Pour la calmer, il caressait doucement ses cheveux qui lui semblèrent un peu laineux. Et malgré lui, il pensa à la belle chevelure de Madame d'Argonne, à ses cheveux fins et lourds qui devaient être si doux. Elle demanda « À quoi penses-tu ? » Il répondit, mais sans conviction, « À vous ?» Dans la rue, Treuil marchait heureux, savourant la joie de n'avoir pas été trompé, mais préoccupé et se demandant curieusement « Quelle peut être cette femme qui ressemble à Blanche et qui s'habille comme elle ?» Et Blanche, pendant ce temps, lâchait sa séance et grimpait en ramassant ses jupes au cinquième d'une maison de la rue Dufaux. Elle allait dire un petit bonjour à un jeune homme charmant, pour l'instant simple rédacteur au ministère, mais très protégé du ministre et en passe d'arriver à tout.